Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences. Voir, entendre, sentir, toucher. Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi. Je t'ai rencontré hier sur le festival, un petit festival organisé à Colmar, du bout de la rue au bout du monde. C'est un petit festival de voyageurs et il y avait toi, un carnetiste, avec un projet, un bouquin que tu viens de sortir sur l'Inde. Je me suis arrêté sur ton stand, je regardais tes papiers, tes collages, je regardais tes dessins et j'ai eu envie de te rencontrer. Donc voilà Jérémy, si tu devais te présenter, qui es-tu ? Je suis lyonnais. J'alterne ma vie lyonnaise avec une vie sur mon vélo. Donc je suis parti avec Nathalie pendant 6 mois en Inde. Et dans une des sacoches, il y avait du matériel pour dessiner. Et c'est notre manière de partager ce voyage. Ce qui m'a donné envie de voyager, entre autres, c'est des personnes qui ont partagé leur expérience. Et une fois que j'ai eu envie de faire la mienne, la roue tourne et c'est à nous de semer des nouvelles graines. Donc toi, ce qui t'a amené en voyage, ce qui t'a amené sur la route, c'est le fait d'aller dans ce genre de festival où tu as pu voir les expériences d'autres voyageurs et tu t'es dit, pourquoi pas moi ? Tout à fait. Au début, quand j'étais jeune, j'avais un peu tendance à mystifier le voyage au long cours, le côté aventurier, etc. Et je me disais, même si j'en avais l'envie et je trouvais l'idée très bien, c'est pas forcément quelque chose pour moi, etc. Et le fait de rencontrer d'autres voyageurs, on a vraiment tendance à démystifier tout ça et à voir que c'est accessible. On est capable de faire du vélo pendant une journée et de planter sa tente le soir. Et ben voyager longtemps, c'est guère plus que faire ça et une nouvelle journée de vélo et une nouvelle journée de vélo. Voilà. Parle-moi de ton premier voyage. Comment est-ce que tu l'as réfléchi? Où est-ce que tu allais? Comment tu as choisi ton itinéraire et ta destination? Donc le premier voyage était déjà à vélo en 2010-2012 avec une fille qui s'appelle Claire en Afrique. Pourquoi l'Afrique ? Parce qu'il fait beau et chaud, donc moins de matériel à porter. Et on voulait partir aussi depuis l'endroit où nous habitions, à Lyon, et sans prendre l'avion. Donc France-Espagne, on arrive directement au Maroc avec un petit bateau et voilà, on continue. 2 ans ? Pendant 2 ans, oui. C'était pas prévu qu'on parte 2 ans. On disait on part 6 mois, 10 mois, 1 an, on savait pas tellement. Parce qu'on sait pas comment on va réagir au vélo, on sait pas tellement comment on va réagir entre nous parce qu'on se connaissait peu. On ne savait pas non plus les aléas, bref, on ne s'était pas projeté. On dit on part et on verra bien comment ça se passe. Puis quand, au bout d'un an, on était arrivé en bas, puis on s'est dit c'est chouette, faut rentrer, et ça a repris 1 an. Donc on est descendu presque à la frontière d'Afrique du Sud en faisant un saut en avion à cause du conflit avec Gbagbo et Ouattara en Côte d'Ivoire, on a dû quitter cette zone-là. Et par contre, de Namibie, on est remonté jusqu'en Israël, donc de l'autre côté de l'Afrique intégralement. C'était très chouette. Non, c'était très chouette, ça j'en doute pas. Le vélo, avant de m'intéresser à ton voyage, j'ai donc envie de m'intéresser à ton mode de transport. Donc le vélo, pourquoi ? Pourquoi le vélo ? Pourquoi pas l'avion ? Comment est-ce que tu as rencontré ? Comment tu as eu l'idée de partir en vélo ? Donc, déjà j'aime bien le sport de manière générale. Donc du coup, j'aime bien la marche, j'aime bien ce genre d'activité physique. Je suis pas un gros bourrin, j'aime pas faire énormément de distance, mais un petit peu, ça me plaît. Ensuite, le vélo, il permet déjà de transporter des kilos d'instruments et des kilos de matériel de dessin. Donc, dans le premier voyage, j'avais voyagé avec un accordéon, c'est 4 kilos. Il y avait au moins autant de matériel de dessin, donc 8 kilos. Donc, à pied, c'est pas possible. Donc, il me restait le cheval, ou l'âne, ou le vélo. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi. Donc au début, il n'y avait pas forcément vocation à faire un livre. Je voulais ramener des choses parce que je trouvais ça très chouette, mais pas forcément l'éditer. Dans ma vie de tous les jours à Lyon, j'avais pas forcément le temps de consacrer à ces activités-là qui me plaisent beaucoup. C'était un loisir, mais je voulais m'y investir plus pleinement. Et je me suis dit que partir en voyage et entre autres en faire un fil conducteur, la musique et le dessin, c'est un cadeau que je m'offrais. Je m'offre du temps. Donc le voyage, il offre plein de choses transversales, la rencontre, l'accomplissement de soi, le regard intérieur, la réflexion. Mais il apporte aussi du temps de libre pour dessiner, s'arrêter quand on est fatigué, faire de la musique, apprendre. Voilà, donc c'était un petit peu... tout se combinait bien autour du vélo, du dessin. Tous ces paramètres vont ensemble, quoi. Ça fait un système logique et que j'ai réitéré 3 années plus tard avec ce voyage en Inde avec Nathalie. Le mot voyage, comment tu le définirais? Qu'est-ce que c'est pour toi qu'un voyage? Qu'est-ce que c'est pour toi que voyager? Donc le voyage, c'est pas forcément géographique, hein, ça peut être un voyage intérieur. Le voyage, c'est le cheminement où on sait pas forcément là où on va, parce que c'est l'expérience qui crée le chemin, en fait. Et le chemin se construit un peu comme si on avançait à vue, c'est-à-dire on avance un peu, on sait pas ce qu'il y a vraiment devant soi, on voit 2 ou 3 mètres devant soi, et quand on a avancé, on voit la suite et la suite et la suite. Donc c'est vraiment pour moi le cheminement. Donc le cheminement, il peut être intérieur, il peut être artistique, il peut être géographique, comme c'est le cas du voyage à vélo. Voilà, la différence peut-être avec un voyage plus organisé ou plus touristique, c'est que souvent dans un voyage organisé, on sait déjà ce qu'on veut aller voir. On réfléchit à notre itinéraire, on fait une liste d'endroits qui, on pense, vont nous plaire. C'est pour ça qu'on choisit cette destination. Mais même s'il y a des surprises durant ce voyage, des rencontres, globalement, il y a une trame déjà définie. Plus ou moins définie suivant les personnes, on peut s'en écarter, en revenir. Mais là, en vélo, on ne savait pas du tout jusqu'où on allait. On ne savait pas si on allait aller au Maroc. Si ça se trouve, on pouvait, quand je suis parti en Afrique, prendre un bateau pour aller en Amérique du Sud. Quand je suis parti en Inde, on aurait très bien pu rester en fait 6 mois dans l'Himalaya, ou aller au Pakistan, ou aller au Bangladesh. Finalement, on est allé jusqu'au Cap Sud, et c'était très bien. Et qu'est-ce qui fait qu'on continue d'avancer? Qu'est-ce qui fait qu'on... C'est des rencontres? Comment est-ce que tu vas dessiner ton itinéraire au fur et à mesure si tu ne l'as pas déjà prédéfini? Donc il y a plusieurs choses qui définissent l'itinéraire. Pour ma part, j'aime bien les itinéraires verticaux parce que les paysages changent plus vite que les paysages horizontaux. Donc changer de latitude plus que de longitude. Ensuite, il y a les formalités administratives, c'est-à-dire l'obtention des visas. Il y a des pays où on a eu des refus de visa, on n'y va pas. Des pays où on a 2 semaines de visa, il faut aller vite. Des pays où on a 3 mois de visa, on peut prendre notre temps. Donc, l'administratif fait qu'on peut décider notre itinéraire en fonction. Il y a aussi le vent, parce que le vent, la pluie, les saisons. En Inde, il y avait la mousson, donc on est arrivé dans l'Himalaya où elle n'y était pas. Puis voilà, donc c'est un argument d'itinéraire. Un autre argument d'itinéraire, c'est la capacité physique. Soit on contourne une montagne, soit on coupe au milieu. Donc ça, c'est un argument. Si on a envie de mangue, on va plutôt sur les côtes. Si on a envie de solitude, on va plutôt à la montagne. Après, voilà, il y a 1001 arguments qui nous font faire un itinéraire plutôt qu'un autre. Lâcher les amarres, partir comme ça sur du long cours, ça fait rêver. Beaucoup de gens ont envie de voyager, donc souvent on commence par partir en vacances parce qu'on a 2 ou 3 semaines de vacances. Là, t'es parti pour ton premier voyage pendant 2 ans. Donc la question qui vient à l'esprit, c'est comment on fait pour partir 2 ans et comment est-ce qu'on arrive à vivre économiquement sur 2 ans? Est-ce qu'il faut préparer une grosse enveloppe d'économie budgétaire avant ou comment tu t'es organisé? Donc, pour voyager longtemps... la manière dont je l'ai vécu, c'est que je ne l'ai pas vécu comme une parenthèse dans ma vie. Je l'ai vécu comme le prolongement de mes envies d'avant, et mon retour s'est très bien passé, parce que c'était aussi une envie de revenir, et c'était le prolongement du voyage. Donc pour voyager longtemps sans se dire ouais, « comment je vais tenir 2 ans » ou quelque chose comme ça, eh ben, il faut vraiment le voir comme la continuité de notre vie. Si on ne se pose pas de questions ouais, « comment est-ce que je vais continuer à vivre 2 ans en France ?» Ben non, c'est ma vie, j'ai mes copains, mon réseau, et les choses évoluent, le fil se tisse. Et on avance dans la vie, voilà. Donc l'errance qui devient un mode de vie très agréable, à mes yeux, et ben voilà, c'est comme ça que j'ai pu voyager et que j'ai eu envie de voyager sur la durée. Ensuite, le vélo, une fois qu'on a acheté son vélo et son matériel, la tente, le duvet, et voilà, c'est globalement peu cher, on est assez autonome, on dort en tente. Il y a beaucoup de personnes qui nous offrent l'hospitalité, pas que dans les pays lointains, mais en France, partout dans un jardin, dès qu'on s'arrêtait pique-niquer avec des sacoches, les gens s'arrêtent, ah ben tiens, j'ai un jardin ici, ils nous apportaient des fruits, et voilà, on peut faire le choix d'un voyage un peu solitaire, mais ce que j'aime bien, c'est aussi rencontrer les gens, et donc du coup, j'étais très heureux de dormir chez les gens. Donc la tente, ça permet de dormir chez les gens sans être trop intrusif non plus. On n'est pas forcément dans leur salon ou dans leur intimité. On leur laisse le choix de nous inviter à l'intérieur ou pas. Mais déjà, être dans le jardin, partager un repas, c'est déjà très chouette. Manehe baikat bi khalam demon na bainer waye bum gatok na mo he baikat bi khalam demon na bainer waye bum gatok na mo. Bula nekhe talala say loxo yay docteur bi patki fuaskan bi dikadale singi tumre o bati miskin ya summe ko du dan sa dole andak nak bi di ligey sa nyaqadi tour ngay bay di dukat billahi ya am jom kun jara ma bay kat. Ufi khib ya kadundal ba musur ni wa ufi fever ya konandal akiren ba musir kun jara ma baykat. Ufi khib ya kadundal ba musur ni wa ufi fever ya konandal akiren ba musir. Ya mom mon sambay ya mom sa ganchakh mom sey ñor ya mom sa Allah di bay. 2010-2012, donc un voyage en vélo en partant de Lyon jusqu'à la pointe sud de l'Afrique pour rentrer aussi en vélo. 2012, tu reviens ici, là on est sur Colmar, donc je t'ai rencontré sur ce festival où cet après-midi tu fais la projection d'un film que tu as fait, mais sur un autre voyage en vélo en Inde. Donc qu'est-ce qui s'est passé après 2012 en rentrant à Lyon? Donc après 2012, en rentrant à Lyon, déjà ben, atterrir, reprendre racines, voir les amis, manger beaucoup de fromage, parce que ça nous a manqué pendant 2 ans. Au retour, j'ai rencontré Nathalie, avec qui j'habite depuis 4 ans, et voilà. Et j'avais eu cette envie de voyage, cette envie de repartir, parce que j'avais trouvé que c'était une très bonne expérience, très chouette. Et j'avais envie de faire cette expérience-là avec Nathalie, parce que c'est une expérience de couple très intéressante, très riche. Et elle a tout de suite été d'accord. Donc on a décidé, c'est vraiment pas elle qui m'a suivi, hein, c'est vraiment une envie commune. On a choisi la destination à deux. Ça aurait pu ne pas être de nouveau à vélo. Finalement, elle était emballée et j'avais déjà cette expérience, donc c'était bien. Donc voilà, c'est vraiment un deuxième voyage qui s'est complètement construit à deux. Et voilà, nous avons décidé d'aller en Inde parce que, voilà, les voyages verticaux, ce que je disais tout à l'heure. Et j'aime bien les destinations qui attisent ma curiosité, donc des choses très différentes de mon quotidien. Et même si c'est très intéressant de dessiner dans le métro ou dans le marché en bas de chez soi, j'avais cette envie de couleur et d'exotisme un petit peu. Le visa d'Inde durant 6 mois, c'est très bien. Et beaucoup de personnes disent l'Inde à vélo, mais c'est super dur, n'y va pas. C'est ça qui m'a donné envie d'y aller. Donc là, c'était pas Lyon-Inde, c'était tu es parti en avion, tu vous as amené vos vélos en Inde, et là, l'idée c'était de rester faire un tour de l'Inde en 6 mois. Une descente de l'Inde pendant 6 mois, depuis la frontière chinoise jusqu'au cap sud de l'Inde. Avec toi, toujours, ton accordéon, tes carnets, tes crayons. Donc pas d'accordéon cette fois-ci, mais du papier et des dessins. Parle-moi un peu de l'itinéraire sur ce voyage-là. Donc tu es parti du nord de l'Inde, donc là dans les montagnes de l'Himalaya. Tout à fait, donc parce que de toute façon il pleuvait dans le reste de l'Inde, donc c'était pas envisageable. Et une personne m'a donné un super argument, il m'a dit « Jérémy, si tu vas en Inde, tu prends une carte démographique de l'Inde et tu vas partout là où c'est blanc, à la rigueur jaune, orange t'évite au maximum et rouge tu mets jamais un bout de ta roue. » On a suivi cet itinéraire-là. Qui nous a amené beaucoup plus à la frontière ouest du pays, proche du Pakistan, le désert du Thar, le désert du Gujarat, l'Himalaya, puis les routes côtières. Et on a trouvé que cet itinéraire était génial. On a rencontré beaucoup de cyclistes qui ont fait un voyage en Inde, entre autres parce qu'ils faisaient la route de la soie ou qu'ils allaient en Chine ou en Asie, donc ils faisaient un voyage d'est en ouest, donc la vallée du Gange, ce genre de choses. Et à mon avis, c'est un voyage dur celui-là. moralement, physiquement, métallique, urbain. Donc je suis très content d'avoir fait cet itinéraire-là. Si on fait Paris-Lyon en train, on va voir Paris et Lyon. Si on fait Paris-Lyon en vélo, on va faire une demi-journée à Paris, une demi-journée à Lyon. Et le reste, c'est le Berry, le Morvan, le Mâconnais. Voilà, l'Inde, c'est pareil. Ça peut être très champêtre, pour peu qu'on se déplace à vélo, à pied, à cheval. Et donc sur l'Inde, tu te déplaces sur des sentiers, sur des routes. Est-ce que tu as des cartes qui sont balisées suffisamment pour pouvoir créer ton itinéraire? Ou comment est-ce que tu te repères? Comment est-ce que tu te situes? Comment est-ce que tu sais que tu es dans la bonne direction? Une boussole, on prend plein sud. De toute façon, il n'y a pas de carte suffisamment précise pour l'Inde. L'Inde, c'est gigantesque. Et il y a tellement de chemins qui ne sont pas... Il n'y a pas beaucoup de voitures de Google qui vont là-bas pour faire un Google Street View, là. On se repérait beaucoup à partir des grandes villes. On connaissait les grandes villes à 200 ou 300 km où on allait. On demandait la direction. Mais globalement, peu nous importait, on vous laisse balader. Donc on prenne un chemin de 70 km ou de 100 km pour y aller. On préférait longer les rivières que prendre les gros axes. On préférait prendre les petits chemins que les gros chemins. On préférait prendre aussi les routes cabossées. Parce que les routes cabossées, les camions ralentissent, les voitures ralentissent. Donc des fois, on évitait volontairement les gros axes pour prendre les rues les plus pourries. À vélo, on zigzague entre les nids de poules et les véhicules vont moins vite, donc c'était aussi très bien. Est-ce que chaque journée, tu es dans le mouvement ou est-ce que des fois, vous vous dites, tiens, ici, c'est vachement sympa, on va rester une semaine? Ah, complètement. On est resté une semaine chez une personne qui nous a hébergés où on a été très bien reçus, très bien accueillis. Il parlait très bien anglais. Ça faisait 2 mois qu'on voyageait et on a eu beaucoup de plaisir à parler aussi avec cette personne qui parlait très bien anglais. Ça nous permettait de, dans une langue qui nous est plus familière que l'hindi ou que les langues véhiculaires indiennes. Et donc on est resté une semaine chez lui. On est resté une semaine à un moment près d'une plage alors qu'on ne pensait pas forcément. Mais l'eau, elle était chaude, on a bien mangé, on est resté 3-4 jours. Oui, bien sûr, il y a des endroits où on pensait rester plus longtemps, comme à Goa, où finalement on est parti très vite, à la fois parce qu'on était en forme, mais à la fois parce qu'on avait préféré des plages plus calmes au nord et au sud de la ville, plutôt que de rester en ville. Oui, rien n'est prévu. Om Shrim Hrim Glim Glaum Gam Ganapataye Varavarad Sarvajanam Vashamanaya Swaha Om Shrim Hrim Glim Glaum Gam Ganapataye Varavarad Sarvajanam Vashamanaya Swaha Om Shrim Hrim Glim Glaum Gam Ganapataye Varavarad Sarvajanam Vashamanaya Swaha Purushaya Vidmahe Vakradundaya Dhimahi Tanno Danti Prachodaya. Jérémy, avec toi, on est en Inde, et Nathalie, vous êtes là sur vos vélos, vous traversez l'Inde du nord au sud. J'aimerais que tu nous emmènes avec toi sur les chemins indiens et que tu nous fasses revivre une journée. Donc là, on va d'abord commencer par ouvrir les yeux. Qu'est-ce qui va se passer? Où est-ce qu'on est? Et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Donc déjà, avant d'ouvrir les yeux en Inde, on ouvre les oreilles parce que c'est souvent un gros bordel et c'est super bruyant. Donc le réveil naturel se fait beaucoup au bruit. Pas tout le temps, mais souvent. Donc ensuite, j'ai une tendance à me réveiller plutôt que Nathalie. Donc souvent, ça me permet de dessiner 1 ou 2 heures le matin avant qu'on parte. On se réveille, suivant l'endroit où on a dormi, on range nos affaires, on pack les vélos, on déjeune souvent avec la famille qui nous a hébergés. Si on a dormi plus ou moins en sauvage, on va chercher un petit boui-boui ou un petit déjeune. Ça peut prendre 1 ou 2 heures. Parce qu'on a le temps, parce qu'il n'y a pas forcément les ingrédients, parce que le temps de se réveiller, tout ça. Ensuite, on part en vélo souvent le matin, on essaie de faire beaucoup de kilomètres le matin, parce qu'il y a moins de monde dans les rues, parce qu'il fait moins chaud. On s'arrête quand on a faim, c'est un très bon indicateur. Là, on fait souvent une bonne pause, souvent entre 13h et 16h. On fait bien 3-4 heures de pause où je peux dessiner, où on peut raconter s'il y a un petit cybercafé On peut commencer à raconter nos pérégrinations sur Internet pour les partager avec nos proches. Nathalie fait souvent une sieste l'après-midi aussi pour récupérer un peu. Et on repédale volontiers une ou deux heures le soir. Ensuite, là, soit on a envie d'être un peu tranquille, dans ce cas-là, on essaye d'être autonome en nourriture, et ensuite on essaye de trouver un endroit pour dormir après. Soit on est d'attaque pour rencontrer des gens, parce que ça demande de l'énergie aussi de rencontrer. Et on essaye de trouver, avant la tombée de la nuit, pour qu'on puisse voir les visages et qu'ils puissent nous voir, une famille qui pourrait nous héberger. Et il y a de bons indicateurs pour cela. Souvent, la présence féminine indique qu'il y a des enfants, que c'est vivant, que ça cuisine, tout ce genre de choses. Donc on est souvent à l'affût du linge qui pend ou de choses comme ça. Et voilà, et on se présente avec le grand sourire en expliquant notre voyage, notre itinéraire. C'est marrant parce qu'au début, on aurait pu penser que ça puisse être très intrusif. Nathalie se demandait, mais demander l'hospitalité, est-ce que c'est pas un peu intrusif? Comment est-ce qu'on le vit, etc. C'est vrai qu'en Inde, le niveau de vie est plus faible. Elle appréhendait le fait d'avoir à demander des choses ou à être aux dépens des gens ou à vivre à leurs dépens. Et en fait, très rapidement, c'est une idée ou un ressenti qui est balayé parce qu'on voit vraiment que c'est un échange et un bonheur complètement réciproque. Nous, on est très heureux d'être là pour rencontrer cette culture et ces gens pleins de sourires et très curieux autant que nous le sommes. Et on se rend aussi vraiment compte du plaisir qu'ils ont à nous accueillir, un plaisir sincère. Ils le font pas par tradition religieuse ou par obligation culturelle, mais on sent vraiment que d'avoir des étrangers chez eux, qui plus est blancs, qui ne voient pas forcément en 4x4 ou à la télé, ils sont super curieux et très contents qu'on soit là. Donc on a eu très peu de gêne à le demander, quoi. C'est vraiment quelque chose qui se faisait naturellement. Et ils te laissent partir ? Plus ou moins difficilement. ils nous laissent partir très souvent avec des galettes, avec des fruits, etc. pour la route. C'est pour ça que nous, la veille, vu qu'on le sait, on vient aussi bien rempli dans les sacoches avec du sucre, avec des épices, avec des choses. Souvent dans les campagnes, on prend des choses qui se trouvent en ville, qu'ils ont peu dans les campagnes, pour faire du troc. On vient toujours avec de la nourriture à échanger, à partager. Voilà, c'est toujours un bon échange. Et ils nous laissent partir avec souvent une bonne embrassade. Souvent, les mamans sont très tactiles avec Nathalie qui serre dans les bras. C'est incroyable comme en quelques heures ou en une soirée, il peut y avoir énormément d'émotions dans une rencontre avec toutes les différences linguistiques, culturelles qu'il y a. Il peut y avoir une larme aux yeux, des gens qui nous serraient en essuyant une larme qui leur coulait sur la joue, qui nous disaient « Vous êtes comme nos enfants, merci d'être venus ». Et nous, on leur remerciait, merci de l'accueil. S'ils nous disent « Mais pourquoi vous venez en Inde ?» Ben, pour ça, justement, pour la rencontre. Voilà. Et le fait de dessiner aussi en voyage, qui est moins intrusif qu'un appareil photo, ça crée vraiment un lien très fort entre le sujet qu'on dessine et nous-mêmes. Ils se sentent vraiment valorisés, ils comprennent vraiment que ce qu'on va voir, c'est vraiment eux. Et voilà, et ils le comprennent très bien. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi. On va voir cet après-midi un documentaire que tu as tourné. Donc en plus de dessiner, vous étiez parti avec cette idée, avec ce projet d'en faire un film. Oui, parce que lors de la présentation du projet en Afrique, il n'y avait que des photos et des dessins. C'était très bien, je dis que, mais en fait c'était déjà très bien. J'ai été amené à rencontrer d'autres voyageurs à vélo, d'autres festivals, d'autres festivaliers, et j'ai vu des films qui m'ont vraiment touché, parce qu'il y a plein d'autres choses qui transparaissent à travers une image qui bouge. Et voilà, donc c'est pour ça que l'envie de repartager de nouveau ce voyage s'est faite en voyant le travail d'autres voyageurs. Et c'est pour ça qu'on est parti cette fois-ci avec une petite caméra discrète pour pas être une contrainte. Et on l'a pas du tout vécu comme une contrainte. Sur ton itinéraire, donc qui est un petit peu hors sentier battu, on peut le dire, hein, tu es en vélo, tu choisis l'axe le plus calme, hein, avec ta carte démographique, tu vas partout où c'est blanc. Est-ce que tu rencontres des blancs ? On en rencontrait tous les mois ou tous les deux mois à peu près, donc pas énormément, mais on en rencontrait énormément d'un coup dans les endroits touristiques connus. Le Taj Mahal, les plages de Goa, certains grands genre, châteaux de Maharaja, temples de Maharaja, voilà, uniquement. Jérémy, sur cet entretien là, pour l'émission Radio Regarde Ailleurs, tu nous as emmené d'abord pendant 2 ans en Afrique, tu nous as emmené 6 mois en Inde. J'aimerais que tu utilises quelques adjectifs qualificatifs pour parler de ton premier voyage et quelques mots et adjectifs qualificatifs pour parler du deuxième. Le premier voyage, j'aurais tendance à dire sérénité, parce que ça s'est vraiment passé d'une manière très calme, très douce, sans contrainte. Et c'était vraiment une glissade. Le deuxième voyage au niveau de l'Inde, je dirais variété, contradiction, opposé, contraire, extase, frénésie. L'Inde, elle se vit d'une manière frénétique. Des bonheurs immenses, des calmes complets, énormément de bruit, énormément d'attention. Voilà, donc c'était un mot sur l'Inde, excès. Mais pas forcément excès de bruit et tout ça, ça peut être un excès de silence, ça peut être un excès de quelque chose, mais l'Inde, ça foisonne, quoi, c'est riche. Un mot qui m'a vraiment... En Afrique, je pense que ça serait variété. L'Afrique, je la connaissais peu. D'ailleurs, je ne la connaissais pas non plus. J'ai fait une expérience et un petit fil tendu dans le continent. Mais j'avais une vision de l'Afrique avec un grand A. Donc pour moi, il y avait le Maghreb, les pays arabes. Et en dessous, une grande masse où tous les gens sont noirs. Tous les gens parlent plus ou moins une langue qui se ressemble. Mangent plus ou moins la même chose. Les mêmes fruits. Mais pour moi, c'était un grand tout un peu uniforme. Et j'ai été très, très, très surpris par la variété culturelle, ethnique, musicale, de construction, de religion, mais aussi de tempérament. Un peu comme quand on passe de France en Espagne, eh ben, l'Europe est loin d'être un grand tout uniforme. Entre les tempéraments nordiques et les tempéraments du Sud, le fait de vivre dehors, le fait en Espagne, en Italie, ils parlent beaucoup plus fort, ils sont plus chaleureux d'un premier contact. Eh bien, en Afrique, entre le Togo et le Bénin, il y a ce même changement. Entre la Tanzanie et le Kenya, il y a ce même changement. Alors qu'on passe juste une frontière. Au début, je faisais un grand tout, mais voilà. Donc l'Afrique, pour moi, ça a été le mot qui me reviendrait, ça serait la variété et la richesse. Et donc l'Inde, plutôt le côté catalyseur, chaotique et excès. Oui, aussi une très grande variété de sentiments dans la même journée. On connaît toutes les émotions dans la même journée. La joie, la peur... La haine, des fois on a envie d'avoir des comportements violents parce qu'on prend l'Inde de front. Pas forcément en mal, hein, mais ça demande, c'est moins coulant. Tu as un mot là, tu as cité le mot peur. Peur de quoi ? L'appréhension de la foule, l'appréhension d'un repas pimenté qui va t'arracher la gueule. L'appréhension d'une nuit où tu sais pas s'il va y avoir des chiens qui vont aboyer, si 3-4 personnes vont rentrer dans la pièce pour s'installer avec toi, ou voilà, tous les imprévus qui font qu'il y a beaucoup de monde en Inde, donc beaucoup de situations. Le nombre de situations et leur importance est proportionnel à la densité, et l'Inde parfois est dense. Si on veut en savoir plus sur ce que tu fais, sur ce que tu as fait, un site internet ? Oui, j'ai un site internet qui présente un petit peu les différents travaux. Il y a du son, de la vidéo, de l'écriture, des photos, des dessins, bien sûr. En tapant Jérémy Bonamant, on y arrive ? Voilà, Bonamant, c'est mon nom de famille, Jérémy Bonamant sur Google. Sinon, je pense que Inde à vélo, on doit être le premier site qui sort parce qu'il n'y a pas beaucoup de voyageurs à vélo en Inde. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences. Voir, entendre, sentir, toucher,